Dans les croisades assassines, y'a le démon qui réside, un militaire en exil, de retour au pays. Et quand le sommeil l'emporte, y'a toutes ces visions de corps mutilés et l'horreur dans les yeux de la guerre. Regarde ces militaires qui placardent l'humanitaire, se marrer dans un verre, le salaire de la misère. Mauvaise haleine, argot pittoresque, quelques balayettes. Qu'est-ce que tu crois qu'ils ont comme arme? Des flingues, pauvres connards.